الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله موعدنا الآن مع إمام من أئمة الهدى ومصباح من مصاحب ريح الدجى. هذا العلم أقدمه لنفسي ولإخواني للعظة والعبرة من ناحية، وللتأسي بالقدوة الصالحة من ناحية أخرى، ولتصحيح بعض حقائق التاريخ التي شوهت من ناحية ثالثة. Nous avons rendez-vous avec un des imams de la guidée, lumière dans la nuit des ténèbres. Cet emblème, je me le présente à moi ainsi qu'à mes frères pour prendre exemple, pour prendre la leçon, et pour prendre l'exemple et pour prendre l'exemple de ceux que nous devons suivre, et pour rectifier certaines réalités de l'histoire qui ont été défigurées. أعيرون القلوب والأسماء والأسماع لنعيش هذه اللحظات مع إمام من أئمة العلم. فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على بلاد العرب فبددت ظلم الشرك وجعلت ليلها كنهارها، فإن الصحابة والتابعين من بعدهم والأئمة المهديين والعلماء العاملين والدعاة الصادقين كانوا بمثابة النجوم التي تعلقت بتلك الشمس ودارت في فلكها ونهلت من نورها ونبعها، وإن تلك النجوم لا تزال بحمد الله تشرق وتتألق وتنشر نورها عبر الدنيا. Vos cœurs, Inch'Allah, pour vivre ces instants avec l'un des imams de la science. C'est le soleil de la prophétie a éclairé l'Arabie, il a anéanti l'associationnisme à jamais, et a fait que le jour et la nuit sont identiques. Les compagnons du prophète alayhi salam, leurs successeurs et ceux qui sont venus après eux, ainsi que les imams de la guidée et les savants qui œuvrent, ainsi que du'at il Allah, sont comme l'exemple des étoiles qui se sont attachées à ce soleil de la prophétie. Ils ont tourné autour pour prendre de sa lumière, et ces étoiles qui sont les savants ne cessent de s'illuminer et de donner la lumière et de propager la science et la lumière à travers la vie et à travers ce bas monde. ومن واجبنا أحبتي في الله أن ننشر عبير سيرهم كلها، وأن نتتبع أخبارهم، وأن نقدمهم للبشرية كلها مثلا عليا وقدوة طيبة. إنهم ورثة الأنبياء، إنهم معين الحكمة ونبع العلم ومصدر النور والهدى. Il est de notre devoir, chers frères et chères sœurs, en Allah Azza wa Jal, c'est que nous fassions connaître leur vie à l'humanité entière, pas tout simplement aux musulmans, mais à l'humanité entière. et que les deux vont suivre et chercher leur vie, comment ils étaient, chercher de leurs nouvelles, savoir comment ils étaient dans leur apprentissage, comment ils étaient dans leur vie, etc. Et les prendre comme exemple, car ce sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam, ils se sont la sagesse même, ils se sont la source de la science et l'origine de la lumière et de la guidée, avec la science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il les a comblés. Ils sont ainsi. Inna al-ulama hum ash-shumu' allati tahtariqu li tunira lil ummati tariqa rabbiha wa tariqa rasulaha alayhi salatu wassalam. Inna al-ulama hum wa'i al-umma, هم وعي الأمة الحر وفكر الأمة المستنير وقلبها النابض بالحياة. Les savants, ce sont les bougies qui se consomment pour éclairer la communauté, pour les éclairer sur la voie de leur Seigneur et sur la voie de leur prophète alayhi salam. Les savants sont la conscience de cette communauté. Cette conscience libre, et ce sont cette pensée claire de la communauté, et c'est aussi le cœur vivant de la communauté. بحياتهم تحيا الأمة وبموتهم وذهابهم تموت ويظل الناس كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Avec la vie des savants, la communauté vit. Et avec la mort, et quand ils sont partis, la communauté meurt et s'égare, et les gens s'égarent. Et ceci nous a été rapporté dans un hadith authentique d'Abdullah ibn Omar, celui qui dit que la vérité et qui est véridique, qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العلم لا ينتزع, إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس, ولكنه ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما, وفي رواية مسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'arrache pas la science de la poitrine des gens, mais il l'arrache en prenant, en faisant mourir les savants. Quand il ne restera plus de savants, qu'est-ce qu'il arrive? Les gens prennent à leur tête des ignorants. Ils vont faire des verdicts sans science. Ils vont s'égarer, ils vont égarer la communauté. Hein? Ils vont s'égarer, ils vont égarer la communauté. Wandur, mundu fawa, ou mundu wafati, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, ou Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, ou Cheikh Ibn Utaymiyyin, ou Zid alayhim, ou Cheikh Muqbir, rahmatullah alayhim. Wandur al-fitana allati sarat fil umma. Wandur kayfa فتح باب الفتنة على مصراعيها علينا. Regarde. Très simple. Pour voir la véracité de ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, regarde cette porte large de la fitna qui s'est ouverte sur nous. Depuis la mort de Ibn Baz, rahmatullah alayh. Suivi par la mort de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Suivi de la mort de Cheikh Al-Utaymi, rahmatullah alayh. Suivi de la mort de Cheikh Muqbil, rahimahullah jami'an. Regarde dans notre monde contemporain les difficultés dans lesquelles nous sommes et les perturbations, etc. Ça se prouve la place des grands savants dans la communauté, la place des hommes de science dans la communauté. Wa ida ya al-hibbatu billah yaqulu al-qa'il wa ma ahsana ma qal ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففوز بعلم تعيش به حيا أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. أين البخاري؟ ونحن نذكر البخاري. بماذا نذكره؟ بعلمه الذي بارتهين نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين ابن هريرة رضي الله تعالى؟ ويبكى في كل مكان وفي كل زمان بما أورثه الله سبحانه، بما أعطاه الله سبحانه وتعالى منه، وهكذا. Pour ça, chers frères en Allah, Azza wa Jal, il a dit vrai sur toi, ce qui a dit l'honneur. N'est qu'aux gens de science, car ils sont la guidée pour celui qui vient chercher la guidée chez eux. Pour celui qui leur demande, ce sont les guides, ils le guident. Et la valeur de tout de chaque être humain est dans ce qu'il perfectionne. Et donc, sa valeur, il est dans les choses qu'il perfectionne. Et les ignorants se sont désignés aux gens de la science. Toujours. Toujours. L'ignorant est un ennemi de l'homme de la science. Et il dit, et prends la science, tu vas vivre avec éternel. Les gens sont morts, mais les hommes de science sont toujours vivants. Combien de temps le sépare avec le Bukhari, et pourtant, Rawa al-Bukhari rahimahullah, Rawa muslimun rahimahullah, de sa vie. Combien de temps nous sépare avec Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu warda? Rawa Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Inch'Allah, na'ishu hadi lahadat, ma'an najmi thaqid, بين العلماء مع الإمام العالم الرباني والعالم المرضي الذي جمع بين تصحيح الرواية وتحقيق الدراية وغاص على درر المعاني واستخرجها وأسس قواعد العلم وأحكمها وألف فرائضه وأتقنها. إنه شيخ الإسلام والمسلمين، إنه إمام المحدثين وأبرز المتفقهين وإمام دار هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنه مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضوان الله عليه وعلى أئمة المسلمين جميعا. Nous allons vivre ces instants inshallah avec cet imam, cet éducateur de la communauté, ce grand savant de la communauté, cet imam qui a réuni entre l'authentification des versions du hadith et la compréhension, les deux à la fois. Entre l'authentification des chaînes, etc., la science des hommes, etc., et la compréhension des textes, il a réuni les deux à la fois. Cet imam qui a plongé au fin fond de la science pour sortir de la science ses perles. Cet imam qui a construit les bases de la science et les règles de la science et qui les a perfectionnées. Cet imam qui a écrit sur les obligations, etc., et qui les a perfectionnées. Cheikh l'Islam et Imam al-Muslimin et l'imam du Muhaddithin et l'étoile parmi les jurisconsultes, l'imam de la maison de l'immigration du prophète alayhi salatu wa sallam, daru hijrati rasulillah, Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, al-asbahi ridwanullahi alayhi wa ala a'immati al-muslimin. Wa insha'Allah nabda hadhihi al-silsila fi an a'immati al-huda وعن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. واخترنا الإمام مالك في الأول، ولكن كان من اللازم أن نختار أبو بكر الصديق وكذا، ولكن بحكم أننا مغاربة وآباؤنا مغاربة وإخواننا مغاربة وندعي المالكية أن هذا إمامنا مالك، نقدمه لنا ولإخواننا حتى نرى مذهب الإمام مالك ما هو، ونرى مدى بعد الناس بدا بعد من يدعي المالكية عن مذهب الإمام مالك. هذا الذي يقول أنا مذهبي مالكي، وترى كم البون شاسع بينه وبين الإمام مالك رحمة الله عليه. Cette série de biographies, Inch'Allah, durant le temps qu'on restera ensemble, ou durant le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettra les rencontres, et a commencé normalement, il devait être commencé par le prophète, par Abu Bakr Siddiq, radhiyallahu anhu, qui doit avoir la grande part. Mais comme nous sommes d'Afrique du Nord, et beaucoup de nos parents, de nos oncles, etc., sont d'Afrique du Nord, et la voix en Afrique du Nord, c'est la voix d'Yel Malikiya, vous avez l'imam Malik. Et pour voir un petit peu, pour que les frères puissent voir et nos pères puissent voir combien on est loin, ceux qui disent nous sommes malikites, combien ils sont loin de la voix d'Yel Imam Malik. Et combien Imam Malik il est à l'est, et eux des fois ils sont à l'ouest. Oulida Imamuna Malik rahimahullah ta'ala. سنة 93 للهجرة في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك صحابي الجليل على صح الأقوال. ولد بمدينة الخير وطيبة الهدى بدي مروة بين تيماء وخيبر. Donc l'imam Malik رحمة الله عليه est né en l'an 93 de l'Hégire. L'an où il est mort le noble compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه. إمام مالك رحمة الله عليه il est né dans la ville de la bonté, la ville du bien. Il est né entre deux villages de la ville du prophète عليه الصلاة والسلام qui est Médine, entre Tayma et Khaybar. Entre Tayma et Khaybar se trouvent beaucoup de villages. Dans l'un d'eux il est né إمام مالك رحمة الله عليه. ولا يخفى على كل مسلم منا ما لمدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام من خير وبر وفضل وبركة ورحمة، فهي حرم الله ومستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي ومعدن الرسالة، وإليها يأرز الإيمان كما تأرز الحية إلى قصرها إلى جحرها، لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال أبدا، لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال أبدا. Et il n'y a aucun doute que nos frères, que nos pères connaissent la valeur de Médine et le bien qu'il y a dans la ville du prophète عليه الصلاة والسلام et les vertus qu'a cette partie de la planète qui est la ville du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est le sacré d'Allah Azza wa Jal. C'est là où s'est stabilisé le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est là où descendit la révélation sur le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est l'origine du message et c'est la source de la guidée et la source de la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Là se trouve aussi la tombe du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Et vers Médine va revenir la foi comme revient la vipère vers son trou. Vers son trou. Médine, ta'on, la peste n'y rentrera pas et déjà non plus l'antéchrist n'y mettra pas les pieds. حرمها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لها بضعفي البركة، ضعفي البركة التي دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة ولأهل مكة. ففي الحديث الذي رواه إمام مسلم والإمام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإن إبراهيم قد دعا لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، بمثل ما دعاك لمكة أزيد معه حالا ضعف ضعف. مدين سي لو ساكري سي لو ساكري لله. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il l'a fait sacré, Médine. Et il a fait dua Allah, Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble le Médine par le double des choses avec lesquelles il a comblé Mecca. Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il comble Mecca. Et de combler les gens de Mecca aussi. dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah et l'imam Malik rahmatullah alayhi wa sallam, le hadith Abi Hurayra radiallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, Ibrahim est ton serviteur, est ton ami intime, Khalilouk, est ton prophète. Et je suis ton serviteur et ton prophète. Et Ibrahim a fait dua pour Mecca. Et moi, je fais dua pour Médine. Je te demande pour Médine de donner à Médine la même chose que Ibrahim a demandé pour Mecca. Et la même chose avec, c'est-à-dire le double. Le double. Il a demandé que Allah subhanahu wa ta'ala comble Mecca, Médine, avec les mêmes choses que la demande qu'il a demandé à Ibrahim. Et il a dit à la fin de son dua, et la même chose avec, ça veut dire le double. وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها. وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها، أي ما بين جبليها. إذن الحديث كي رابورتي بار الإمام مالك رحمة الله عليه بار دون الموطأ البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كل بخوفة عليه الصلاة والسلام دي أو الله Fais-nous aimer Médine comme notre amour pour Mecca, sinon plus. Sinon plus. Souvent, des frères reviennent, quand ils reviennent du Hajj ou de la Umra, j'ai aimé plus Médine que Mecca. Souvent. J'ai aimé plus Médine. Il aime Mecca, mais il a une préférence, c'est sa préférence. Il aime Mecca, il a aimé Mecca. Mais il dit, j'ai aimé plus Médine. Dua du prophète alayhi salatu wassalam. Dua du prophète alayhi salatu wassalam, il est exaucé. Kathir sma al-nas, il dit, ajbatni wa habbit al-Madina. Huwa hab Mecca, bidoun chak. Lakin il dit, habbit al-Madina akthar. Alash, si j'avais le dua du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala istajaba. Fa, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Allah, donne la santé à Médine et bénis-la et bénis, donne la bénédiction de notre sa'a. Sa'a, c'est 4 fois ça. Le mot de la. Donne la bénédiction de notre. C'est-à-dire la bénédiction de tout. Et dans le hadith rapporté aussi par l'imam Malik, dans le Muwatta, le Bukhari et le Muslim, le hadith Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ô Allah, Ibrahim a fait sacrer Mecca. Et moi, je fais sacrer Médine, tout ce qui se trouve entre les deux montagnes. Les deux montagnes qui entourent Médine, c'est sacré. Dehors, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a fait. Le sacré de Médine, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a demandé à Allah. Ibrahim, il a fait celui de Mecca. Salawat wa rabbi wa salam. Fal madinatu kama ta'lamun, baladullah al-haram. Bada baladullah al-harami Mecca. زادهم الله تشريفا وتكريما وتعظيما وزادهم الله أمنا واستقرارا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. La ville de Médine, comme vous le savez, c'est le pays d'Allah sacré. Après le pays d'Allah sacré qui est Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala augmente leur honneur et les embellisse et qu'il les protège. Qu'il augmente aussi la sécurité qu'il y a et la stabilité qu'il y a là-bas. Et que Allah subhanahu wa ta'ala donne la stabilité à tous les pays de l'islam. ففي هذه المدينة الخيرة وفي هذه البيئة الطاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الدين في المدينة واستقر ومنها انتشر وكانت ولا زالت ولله الحمد محطا لكبار أهل العلم وتوارثت فيها السنة القولية والفعلية والتقريرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة نقلها جيل عن جيل وخلف عن سلف. dans cette noble ville et dans cette atmosphère pure et le tout revient à Allah Azza wa Jal. Et après au dua du prophète alayhi salatu wassalam, la religion s'est stabilisée à Médine et c'est de Médine qu'il va se propager. À Médine, la louange est à Allah Azza wa Jal. Il y avait toujours des savants et il en reste encore des savants à Médine, il y en aura toujours. Ça a été la station des grands savants de la communauté à travers les siècles et il l'est encore, alhamdulillah. À Médine, la sunna, que ce soit la sunna parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou l'approbation du prophète alayhi salatu wassalam, ou les actes du prophète alayhi salatu wassalam, sont là-bas. Génération, cela transmet à la génération qui vient après. Les khalaf l'apprennent à al-salaf, ridwanallahi alayhi. في هذه البيئة بيئة العلم والخير بيئة البركة والفضل ولد ونشأ أبو عبد الله. أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر رضي الله عنه، وينتهي نسبه إلى ملوك حمير في الجاهلية، وحمير هذه قبيلة في اليمن وهو أصبحي، والأصبحية قبيلة كبيرة في اليمن، حميرية قحطانية أي عربية قحة، القحطانيين هم الأعراب الأقحاء، وما يخرج عن القحطانيين فهو المستعربة. قحطاني من قحطان اليمن، فإمام دار الهجرة رحمة الله عليه عربي صليبة حميري يعربي، وعلى هذا اتفاق علماء الأنساب والرجال. Dans cette atmosphère et dans ce milieu de la science et du bien, ce milieu des vertus, est né Abu Abdillah Malik ibn Anas radiyallahu anhu. Ibn Anas, ibn Malik, ibn Abi Amir. Et son arbre généalogique se termine vers les rois de Himyar dans les temps avant l'islam. Himyar, grande tribu au Yémen. Il y avait des rois Himyar, ils avaient une royauté, etc. Et il y a Asbahi. Et l'Asbahia, c'est une tribu, une grande tribu dans la fraction, la grande fraction d'Yel Himyar. Et il y a Qahtani. Qahtani, ce sont les purs arabes. Tout ce qui est en dehors d'Yel Qahtanin, ce sont les Moustaribas, ceux qui sont été arabisés. Le Qahtanin, c'est une énorme tribu, avec plein de fractions de tribus, de sous-tribus, etc. Le Qahtanin. Au Yémen. Donc, l'imam de Dar al-Hijra, rahimahullah, il est arabe pur. Himyari, Ya'aribi. Et ça, l'unanimité des savants d'Yel, la généalogie, c'est une science qui existe, et les savants des hommes. Il y a l'unanimité là-dessus sur cette appartenance de Imam Malik rahmatullah alayh à ce qu'on vient de citer. Bada'a l'imam Malik rahimahullah talab al-ilm fi sinn mubakkir jiddan ala aidi al-a'lam al-kibar wa qila annahu talab al-ilm ala alfi shaykh ومنهم نحو 100 من الأئمة الأعلام من كبار أهل العلم في ذلك الزمان، ومن الأئمة الكبار الذين يستغل بهم الآن، وقال هذا إمام وجبل من جبال العلم. أمثال محمد بن شهاب الزهري الذي روى له الإمام مالك في الموطأ 132 حديثا، وكربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن الذي قال عنه مالك بعد موته لقد ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة رحمه الله، لقد ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة. من يقول هذا؟ الإمام مالك يقوله في ربيعة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكنافع مولى عبد الله بن عمر الذي كان يلقب حينئذ بفقيه أهل المدينة، نافع مولى عبد الله بن عمر. هذا يدلك على أن علم الإمام مالك بينه وبين الرسول كم؟ نافع عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب من العين. نافع مولى عبد الله بن عمر، عمر عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نافع مولى عبد الله بن عمر كان يلقب حينئذ بفقيه المدينة، والذي لازمه الإمام مالك ملازمة شديدة، وروى عنه في الموطأ 80 حديثا. وكان أهل الحديث رحمهم الله ولا يزالون يسمون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية، سلسلة الذهبية، ها، لجلالة وقدر هؤلاء الرواة الثقات الكبار، مالك عن نافع عن ابن عمر، إنها السلسلة الذهبية عند أهل الحديث وعند أهل العلم. notre imam a demandé la science étant jeune, très très jeune, très bas âge. Et il a demandé la science, on rapporte qu'il a demandé la science, c'est plus de 1000 savants. Et parmi ces 1000 savants, il y a parmi eux une centaine qui font partie des grands, les grands imams de leur époque, de cette époque. Comme parmi les grands, Mohammed ibn Shihab Zuhri, rahimahullah. مالك لي رابورت 132 حديث دون الموطأ. ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليه، مالك دي دو لوي دي ربيعة كونت إلي مور إلا دي لا دوسور إلو غو إكس كي دو لا جوريسبريدونس إي بارتي أفيك ربيعة. كي دي سا؟ إمام مالك. أ لا مور دو ربيعة إل دي لا دوسور إلو غو إكس كي دو لا جوريسبريدونس ديال الفقه إي بارتي أفيك ربيعة. Et il a appris aussi chez une montagne, Nafi', le serviteur de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Et à cette époque, Nafi', on l'appelle Faqih al-Madina, le jurisconsulte par excellence de Médine. Et l'imam Malik, rahmatullah, est resté avec lui, à côté de lui, très longtemps. Et il rapporte de Nafi' 80 hadiths dans le Muwatta. Les hommes des hadiths, rahmatullah alayhim, et encore de nos jours, appellent cette chaîne de transmission Malik an Nafi an Ibn Umar, ils l'appellent la chaîne d'or, la chaîne en or. Pourquoi? Pour l'importance de ces transmetteurs qui est Malik Nafi Abdullah Ibn Umar. Et ça, dans cette chaîne-là, quand tu entends Malik an Nafi an Malik, tu as combien d'hommes entre Malik et le prophète alayhi salatu wa sallam? Le serviteur d'Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Omar le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Prouve comment Malik était proche de la source, était très proche de la source. Wa fi fatratin qalila wa jiza wa la'alla hadha wa sabab al-ra'is alladhi ikhtulifa fihi inda ahli al-ilm عند بعضهم، ما الذي لم يجعل مالكا يرحل لطلب العلم كغيره من العلماء؟ فهنا المعلوم أن أبا عبد الله رحمة الله عليه ورضي الله عنه لم يرحل لطلب العلم، مع أن الرحلة لطلب العلم كانت من مقومات العالم، لا سيما إن كان من المحدثين كانت للإمام مالك رحمة الله عليه. Et on peut on a laps de temps très minime, très petit. C'est peut-être c'est pour ça. Il y a ici cette divergence, c'est les hommes de science. Pourquoi Malik n'a pas voyagé pour demander la science? Il est connu. Il n'a pas voyagé, il n'est pas sorti de Médine pour aller chercher la science. Tout pria à Médine. Hein? Alors que le fait de voyager pour demander la science, c'était quelque chose qui était un bagage important pour le demandeur de science. Et surtout quand il est parmi les muhadithin. C'est quelque chose qu'il accomplit. Hein? Qui forme et qui force sa personnalité, qui le pousse en avant, qui lui donne plus de poids et plus de science, parce qu'il va la chercher le hadith qui est là-bas. Vaqt o Malik ila payti. Wa bil rahmi min zalik. Fa Malik ibn Anas al-Asbahi lam yarhal li talab al-ilm. Lian al-Madina zalik al-waqt kanat tazkharu bil ulama al-a'lam wa bil a'imma al-kibar min ahli al-'ilm wal-khayr wal-fadl. Et malgré tout ça, l'imam Malik n'a pas voyagé. Pourquoi? Parce qu'à Médine, les grands savants se retrouvaient, les grands imams se retrouvaient à Médine à ce moment-là. Voilà pourquoi. Wa kana Malik yara rahimahullah anna asl al-'ilm huwa 'ilm al-Madina. Wa anna asl al-riwaya riwayat ahli al-Madina. فلماذا يرحل عنها؟ وقد هداها الله بهذا الكم الكبير من أهل العلم والفضل والخير. مالك رحمه الله عليه وي que l'origine de la science c'est la science de Médine. Il voyait aussi que l'origine de la transmission du hadith c'est la version et la transmission des gens de Médine. C'est pour ça pourquoi il voyage. Il avait cette vision, cette opinion. Et Médine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé à ce moment-là, pendant l'époque de Malik, rahmatullah alayh, il l'a comblé qu'il y avait beaucoup d'hommes de science et beaucoup d'hommes de bien. Et les imams de la science, ils étaient présents. Ils vivaient à Médine. وفي أعوام قليلة جدا لفت مالك جميع الأنظار إليه. وفي فترة مبكرة من عمره في السابعة عشر جلس يدرس العلم. وتوجهت إليه أنظار الكبار من أهل العلم ورأت أنه إمام أهل المدينة في الغد القريب. Dans peu de temps, quelques années, les regards se sont tournés vers l'imam Malik rahmatullah alayh. Et à l'âge de 17 ans, il s'est installé pour enseigner. Il est les yeux des grands savants de l'époque, ils étaient rivés sur l'imam Malik. Ils voyaient en lui le grand imam de midi demain. Le grand imam futur de midi. Les grands. Et parmi les grands, il s'installait dans son assise pour écouter de lui. Wa fi'lan. أيها الإخوة والآباء انتشر علمه وظهر فضله وعلت منزلته وانتشر صيته في الأمصار وذهب علمه في الأقطار وضربت إليه أكباد الإبل ودرس عليه شيوخه وارتحل الناس إليه من كل مصر. شفاف الشيخ لا science الإمام مالك s'est propagée en peu de temps. Et les vertus du imam Malik ont apparu. Et sa situation s'est élevée. Ah. Et on entend parler de imam Malik partout, dans toutes les régions qu'on est à cette époque de l'islam, on entendait parler de imam Malik. Sa science est arrivée partout. Et on creusait les dromadaires pour arriver à imam Malik. Ah. Distance très longue pour arriver à l'imam Malik. Ses chouïours d'hier apprenaient chez lui aujourd'hui. Ses enseignants qui lui ont enseigné hier s'installaient dans son assise pour apprendre chez lui. Et pour prendre les hadiths et les transmettre de lui. Il est ses chouïours qui transmet le hadith de l'imam Malik. Et beaucoup de gens ont immigré vers l'imam Malik, ont voyagé vers l'imam Malik de partout. وهكذا في فترة وجيزة سهد له الأئمة الكبار والعلماء الأخيار المعروفين بالخير والعلم والفضل وأدعنوا له بالإمامة ومتع الله المسلمين بحياته وبقائه فمكث الإمام مالك يفتي ويدرس 70 عاما رحمة الله عليه. Ainsi on a l'âge de temps qui peut, les grands imams ont attesté de la grandeur et de l'imamat de Malik rahmatullah alayh. Parmi les grands de cette époque, ils ont attesté des vertus et de la grande science qu'avait l'imam Malik. Et les musulmans ont profité de cette science de l'imam Malik. Et il est resté à enseigner et à donner le verdict 70 ans. 70 ans d'enseignement dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. سمع منه وروى عنه في هذه المدة جم غفير من أهل العلم الكبار. نعم سمعوا منه ورووا عنه الحديث ومنهم على سبيل المثال. فاسمع من سمع وروى عن الإمام مالك. الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من هو جبل في العلم. والأوزاعي رحمه الله وهو من هو. وعبد الرحمن بن مهدي وهو من هو شيخ الإمام أحمد. ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم. وقتيبة بن سعد شيخ الإمام البخاري والشافعي وأبو حنيفة مع أن أبا حنيفة كان يكبر الإمام مالكا سنا. وروى عن الإمام مالك هارون الرشيد رحمه الله. وروى عنه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعبد الله بن المبارك. ومن عبد الله بن المبارك إذا ذكر العلماء فهو منهم ومن أكابرهم. والفضيل بن عياض وغيرهم كثير من أعلام الحاملين لإثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاه ont entendu de l'imam Malik et transmis le hadith de l'imam Malik un nombre énorme parmi les grands savants de cette communauté. Oui, ils ont écouté, ils ont entendu le hadith chez lui. Ils ont transmis le hadith de l'imam Malik. Pour te citer certains noms d'exemples, juste une citation, Imam Sufyan ibn Uyayna. Et qui c'est l'imam Sufyan ibn Uyayna? Une montagne de science. الأوزاعي لا même chose. عبد الرحمن بن مهدي كي سي عبد الرحمن بن مهدي سي الشيخ ديال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. يحيى بن يحيى النيسابوري كي سي شيخ الإمام مسلم. قتيبة بن سعد كي سي شيخ البخاري رحمه الله جميعا. الشافعي أبو حنيفة. alors qu'Abu Hanifa était plus âgé que l'imam Malik. Il a transmis le hadith de l'imam Malik. Harun al-Rashid a transmis le hadith de l'imam Malik. Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah a transmis. Abdullah ibn Mubarak, qui c'est Abdullah ibn Mubarak quand on cite les savants, il fait partie des grands. Fudayl ibn Ayyad et d'autres. C'est l'élite, la grande élite de la communauté. Et regarde, parmi eux, qu'est-ce qu'il y a? Le mashayikh des grands imams après lui. Le mashayikh d'Al Bukhari, le mashayikh d'Al Imam Ahmad. C'est-à-dire que cette époque, c'est une époque qui bénit minallah Azza wa Jal. Pourquoi le Rasulullah s'est mis à dire? La meilleure des générations étant la mienne, et celle qui la suit, et celle qui la suit. Et le moins, il rentre dedans. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت عارف هذا فضلاء الأمة أئمة الزمان ديالهم وأئمة المسلمين إلى اليوم. هذا البخاري الإمام مسلم شيوخ الإمام البخاري الإمام مسلم يروون عن إمام مالك. إن هؤلاء كانوا في زمان قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في الخيرية طبعا ديال عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ويقول أهل العلم لو لم يكن من حسنات الإمام أبا عبد الله إلا الشافعي لكفى. لو لم يكن من حسنات الإمام مالك رحمة الله عليه إلا الشافعي لكفى. فالشافعي تلميذ الإمام مالك وللشافعي كلمة خالدة ليس يقول رحمة الله عليه ليس أحد أمن علي في دين الله من مالك بن أنس بن مالك. ليس أحد أمن علي في دين الله من مالك بن أنس بن أنس بن مالك رحمه الله. هذا كلام الشافعي. Les hommes de science disent, si il n'y avait que Imam Shafi'i comme Hassana et comme élève à Sheikh Imam Malik, rahmatullah, c'était suffisant. Rien que Shafi'i, c'était suffisant. Et Shafi'i était l'élève de l'Imam Malik, rahmatullah alayhi. Et Shafi'i a dit cette parole qui est rentrée, qui restera éternelle dans les annales de la science, dans les paroles des imams de cette communauté. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a des choses auxquelles je dois des choses dans ma religion comme l'imam Malik. Il n'y a pas quelqu'un à qui je dois tout dans ma religion, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, il doit tout. Regardez cette attestation qu'il a faite, Shafi'i, rahmatullah, et qui c'est Shafi'i. Hein? Qui c'est Shafi'i, hein? C'est l'imam de l'imam Ahmed كذلك, Cheikh l'imam Ahmed rahmatullah alayh. Wa atna ala Aba Abdillah kibar al-ulama wa al-a'immah al-a'lam min asatidatihi wa shuyukhihi wa talabati ilmihi alladhina intaqalu yawman liyajlisu bayna yadayhi wa hum shuyukhuh liyarwu anhu al-hadith. Et Imam Malik, beaucoup ont fait l'éloge de l'imam Malik. Aussi ses chouyoukh, ceux qui étaient ses profs hier, lui ont fait des éloges. Ils se sont assis devant lui pour prendre le hadith du prophète alayhi salatu salam et transmettre de Malik le hadith du prophète alayhi salatu salam. Wa min al-kalimat allati ishtaharat fi zamanihi rahmatullahi alayhi. Ayufta fi al-madinati wa Malik hayy. Na'am. Ayufta fi al-madinati et parmi les paroles qui ont été propagées et qu'on entend, hein, les gens disaient, est-ce qu'on fait du verdict alors à Médine alors que Malik est vivant? Prouve la valeur qu'il avait. Personne n'osait mettre sa parole devant de la parole d'Imam Malik. Prouve le respect qu'ils avaient et la valeur scientifique qu'avait Imam Malik, parce que c'est pas avec sa généalogie qu'il l'a, c'est avec la science qu'il porte. Hein? D'appartenir à une grande famille, etc., ça ne sert à rien. Mais la valeur, elle est là, elle est ici, autre chose. La valeur, c'est dans les sociétés, on pèse les gens par celui-là, il est, celui-là, il est prof, celui-là, tatati, tatata, celui-là, il est intellectuel, c'est Adalla, Adal Mawazin, autrefois. Il est réellement usine, c'est ça. L'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Hada le bagage qui faisait la valeur. Ila hada al-had. Wa laqad faqa imamuna Malik aqranahu rahimahullah. Wa sada bal fu faqa shuyukhahu wa ahla zamani. Hatta qala Hammad ibn Salama. Wa man huwa Hammad ibn Salama? Fi al-ilm. Hammad ibn Salama. Wa man Hammad ibn Salama fi al-ilm. قال لما جاء رجل يسأله في مسألة اختلف فيها الناس فاسمع قال حماد لهذا الرجل يا أخي إذا أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة وصر إلى رأيه فإنه حجة وإن مالكا هو إمام الناس. الله أكبر. حماد بن سلامة يقول مالك حجة وإمام الناس، إذا أردت السلامة في دينك فاسأل إمام المدينة، فاسأل مالكا فإنه حجة وإمام الناس. وش يا فرعون الله عز وجل الآن في ce degré est arrivé l'imam Malik رحمة الله عليه. Il a dépassé ses chouyouk, il a dépassé ses contemporains, etc. Jusqu'à tel point que Hammad ibn Salama, et qui c'est Hammad ibn Salama dans la science. Alors on parle de l'Hammadain, des montagnes de science. حماد بن سلمة هذا يهنو سيدي بونطان ديسان يسي حماد بن سلمة a dit à un homme quand il est venu lui poser une question sur une chose, sur un sujet sur lequel les gens étaient en divergence, Hamad, il a dit à cet homme-là, « Oh frère, si tu veux la sécurité pour ta religion, si tu veux la sécurité dans ta religion, demande au savon de Médine, demande au savon de Médine, et prends son avis, car c'est une preuve. Et Malik, c'est les mêmes des gens. » Il a orienté l'homme pour aller, pour être en sécurité dans sa religion, d'aller chercher son verdict chez l'imam Malik. Et quand il a le verdict de l'imam Malik, il demande dessus de le prendre. Et il lui a dit que Malik, c'est une hujja, c'est une preuve. Et qu'il est l'imam des gens. Qui a dit ça? Hamad ibn Salam. Rahimahullah. وقال عنه سفيان بن عيينة ومن سفيان بن عيينة يقول سفيان بن عيينة ومن نحن إلى جوار مالك ومن نحن إلى جوار مالك شكون حنا قدام مالك يقول ابن عيينة وهو من هو جبل من جبال العلم وهذا سفيان بن عيينة يلي للإمام مالك الأصلي مونتان دو سيونس Il dit, qu'est-ce que nous sommes-nous à côté de Malik? Hein? Que sommes-nous à côté de Malik? Qui dit ça? Ibn Uyayna, rahmatullah alayh. Wa man huwa Sufyan? Wa yaqulu hadhihi al-kalima. Wa yaqulu rahmatullah alayh. Wa laqad kunna Sufyan ibn Uyayna. Wa laqad kunna نتتبع آثاره فإن وجدنا أنه كتب عن شيخ وروى عنه كتبنا نحن عن هذا الشيخ وإن وجدنا أنه أعرض عن شيخ أعرضنا عنه وتركناه قال ليك نعينا تنتبعو داك الشيء اللي تيدير الإمام مالك إلا لقيناه جاب الحديث من عند شي شيخ تنكتبو حتى حنا داك الشيء اللي كتب على داك الشيخ ولا لقيناه خلى هذا الشيخ ما كتبش عليه تنخلوه حتى حنا حجة بن عيينة يقول يجي لو سيفون سكا في او نيفو دي حديث سكا في سكا رابورتي الإمام مالك كي لا يكري كونت إلي كري دان شيخ أو نكري qu'on trouve qu'il a délaissé la version d'un cheikh, on la délaisse. C'est une preuve pour eux. Quand ils, eux aussi, et quand ils délaissent, ils délaissent. Et pourtant, Sufyan ibn Uyayna dans la science, c'est un jour où on s'arrêtera. Je crois qu'on l'avait fait une fois, les premières rencontres à Asman, il doit se rappeler Smaïl. On l'avait fait une fois, Ibn Uyayna et Ibn Mubarak à Tourcoing, la mosquée du Clan, qui est la première année, il y a 50 ans maintenant. وقال عن الإمام مالك إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله الشيباني رحمة الله عليه يقول واسمع ما يقول إن القلب والله لا يسكن إلى حديثه وفتياه وإن مالكا عندنا حجة لأنه كان شديد الاتباع للآثار التي تصح عنده وإن مالكا عندنا حجة لأنه كان شديد الاتباع الآثار التي تصح عنده هذا من؟ هذا إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد رحمة الله عليه يقول هذا الكلام Imam Ahmed, qui est l'imam des gens de la Sunna et des gens qui sont unanimes sur la Sunna par excellence, et dit de l'imam Malik, le cœur est qui au hadith de l'imam Malik, hein? Le cœur est tranquille, et qui est devant le hadith rapporté de l'imam Malik, et devant le verdict de l'imam Malik, dans le fatwa de l'imam Malik. Il dit Malik est une preuve. Pourquoi? Parce que Malik était s'acharné à suivre les traces qui sont authentiques chez lui. Les traces qui sont authentiques, hein? L'imam Malik, il les suit, il les met en application. C'est pour ça que l'imam Ahmad, rahmatullah, il dit Imam Malik est une preuve. Parce que il suit, hein, ce qu'il y a d'authentique chez lui. Hadith et actes et des compagnons du prophète, etc. Quand ils sont authentiques pour lui, il les suit. Ça, c'est les critères. Comment ils. Hein, ça, c'était leurs critères. Et regarde, compare leurs critères à nos critères. Hein. Qu'est-ce que tu veux comparer? La nuit et le jour. Ils sont incomparables. وقال الليث بن سعد فقيه أهل مصر في زمانه علم مالك علم نقي وعلم مالك أمان لكل من أخذ به وكان الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك في كلام أهل العلم ومع ذلك يقول علم مالك علم نقي وعلم مالك أمان لكل من أخذ به وهو من هو فقيه مصر في زمانه الليث بن سعد jurisconsulte par excellence de l'Égypte à son époque, dit la science de l'imam Malik, c'est une science pure. La science de l'imam Malik, c'est une sécurité pour celui qui l'apprend. Il l'est venu ça. Certains nombres de sciences disent il est plus avancé dans la science que l'imam Malik. Et pourtant, voici sa parole vis-à-vis de l'imam Malik. وقال البخاري عن مالك إن مالكا كان إماما وقال عنه تلميذه وأقرب الناس إليه الشافعي رحمه الله إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يدك وقال عنه مالك أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمة الله عليه جد مالك مالك يعني إمام كيف Bukhari, Amir al-Mu'minin fil Hadith, le prince des croyants au niveau du Hadith, celui dans le livre le plus authentique après là, le livre d'Allah Azza wa Jal. Hein? Il dit, Imam Malik, Malik était un imam. Il élève le plus proche de l'imam Malik, il chasse et rahmatullah alayhi, dit contre le Hadith, il t'arrive de l'imam Malik, serre-le. Prends-le avec tes mains et serre-le. Et il a dit de l'imam Malik, Shafi'i Ada, Rahmatullahi alayhim jami'an, il a dit de l'imam Malik, Malik est le prince du hadith, le prince des croyants au niveau du hadith. Wa qala anhu Abdullah ibn al-Mubarak, Rahimahullah, Wallahi ma ra'aytu ahadan. أشد تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس عبد الله بن مبارك يقول ما عمرو شاف شي واحد تيعظم الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الإمام مالك قال الإمام مالك إذا بغى يخرج للترف تيغسل ويتبخر الرواية باش يجي يقعد باش يتكلم الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مبارك de nous dire sur l'imam Malik je n'ai pas vu quelqu'un qui donne une grande importance au hadith du prophète alayhi salatu wasalam comme l'imam Malik rahmatullah alayhi. L'imam Malik pour sortir pour le hadith pour venir s'installer sur, à la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, il se lavait, il se parfumait pour venir pour le hadith du prophète alayhi salatu wasalam et pour la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. ولو استطردنا في الكلام في كلام أئمة الجرح والتعديل وعلى رأسهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله الذي قال في مالك مالك أثبت القوم عرفتي شنو هي أثبت القوم أعلى درجة التعديل عند علماء هذا الفن أعلى درجة التعديل وهي أثبت القوم ومالك الرحمة من الله لهذه الأمة، يقول يحيى بن يحيى القطان، وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل في زمانه، وعليه المعتمد عند المحققين من أهل الحديث إلى يوم الناس هذا. Si on cherche, on va citer tous les paroles des hommes du Al-Jarh wa al-Ta'dil, ceux qui s'occupent de la réfutation et l'éloge, etc. Parmi cette spécialité qui est une noble spécialité, qui est une spécialité dont la spécialité qui est très... Hein, peu d'hommes arrivent à ce stade-là. Quand on regarde l'histoire de l'islam, dans chaque génération, il n'y a pas beaucoup. Il y a des fois dans une génération, il n'y en a même pas. Et l'un des grands imams d'Al Jarh wa al-Ta'dil, qui est Yahya ibn Yahya al-Qattan, qui est une révérence chez les authentificateurs jusqu'à nos jours aujourd'hui, a dit de l'imam Malik, Malik asbat al-Qawm, il est le plus sûr des gens. Asbat. Et ça, c'est le degré le plus élevé dans l'éloge chez ulama Al Jarh wa al-Ta'dil. C'est le degré le plus élevé. C'est le titre qu'on donne le plus élevé. Le sommet. Et qui lui a dit Yahya ibn Yahya al-Qattar, rahmatullah alayhi wa sallam. Et il a dit, et Malik, c'est une clémence pour cette communauté. Malik est une clémence min Allah pour cette communauté. Malik est une clémence pour min Allah pour cette communauté. هذه بعض أقوال الأئمة الكبار وأئمة الجرح والتعديل في هذا النجم الثاقب وفي هذا العلم الكبير. وستعجبون أيها الآباء وأيها الإخوة إذا علمتم أن مالكا لم ينل هذه المكانة العالية عند أهل العلم فحسب، وإنما بلغ مالك هذه المكانة العالية عند الخلفاء والأمراء. وليس بالضرورة أن يتهم كل عالم يدخل على الخلفاء والأمراء والسلاطين. ولقد اتهم مالك رحمة الله عليه بذلك، فلما قيل له إنك تدخل على السلاطين قال رحمة الله عليه: ومن يتكلم بالحق؟ ومن يتكلم بالحق؟ من يقول قولة الحق إلا من أقولها أنا؟ فأهل العلم لا يغرنك تشويش المشوشين، يقوم بالنصيحة، وليس من الضرورة أن ينصح الحاكم أمامك، هذا ليس من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا من دأب أئمة العلم، لا من صحابة رسول الله ولا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tu vas t'étonner encore plus, frère, en Allah Azza wa Jal, quand tu sauras que Malik n'a pas eu cette place tout simplement chez les hommes de science, mais a eu cette grande place chez les émirs de cette communauté et les khalifas de cette communauté, que ce soit les Omeyyades et les Abbasides, les deux à la fois. Il a eu la grande enseigne chez eux, la place, la haute place chez eux et la haute considération. Et ce n'est pas obligatoire que chaque fois qu'un savant fréquente les gouverneurs qu'il soit accusé et qu'on l'accuse en quoi, hein, Amil travaille pour eux, le savant du palais, le savant, hein. Ah ben c'est, alors, ça n'a pas commencé aujourd'hui avec ce que vous entendez maintenant. Ah, c'est commencé déjà. Un Malik, il l'a entendu, radiallahu anhu arda. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit: Ah, Malik, on te voit rentrer chez les gouverneurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit, rahmatullah? Allez, allez, allez. Qui dit la vérité si je ne la dis pas, moi? Qui va parler avec la vérité si moi je ne la dis pas? Qui va parler de dire la vérité au gouverneur si moi je ne lui dis pas? Et même mal gagné. Et cela n'implique pas, il n'est pas obligé de venir, de dire la vérité sur le membre. Hada, c'est pas la vérité, hada, c'est. Hein? Hadas c'est attiser le feu, allumer le feu et la haine contre le gouverneur. Mais la sunna, c'est ce qu'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'ont fait les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et ce qu'ont fait les, ceux qui les ont suivis et c'est ce qu'a fait l'imam Malik rahmatullah alayhi, parce que c'est quelqu'un qui suit les imams qui étaient devant lui et qui suivent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le conseil, il le prend à part, les amis dire, pas devant tout le monde. Parce que, à part, le gouvernant n'est plus apte à accepter. Et toi, devant tout le monde, tu as fait. Il y a un drouche comme ça un jour, dans le haram de Mecca, avec l'un des khalifas de l'Abbasiyin. Il y a un drouche, monsieur Kinan. الدروش ديالنا قال داز واحد الخليفة ديال العباسيين وينو طلع قال لي غادي نقول لك وغادي نقول لك قال لي اش بيك انت انا قاعد بغيتي تقول لي واش انا اكثر من فرعون ولا انت احسن من موسى باش تنوض عليا هذه النوضة هذه انت قال لي واش انا اكثر من فرعون واش انت احسن من موسى ويسكت قال له موسى قال الله سبحانه وتعالى قال له سير لقال عند فرعون قال هذا وقول له وقولا له قولا لينا ورى انت محسن من موسى وهارون ونرى ماشي فرعون ها هذا فهم شوية دراوش هادو اتهزتي عن خليفة دي عباسيين كي يبصي دوزا ما قلت لي نونو دي خليف هادي جبلي تدير دي باغولي جبلي دوغا لك توا يبتدي دوسمون تاوتيفا Je ne suis pas pire que Pharaon, je ne suis pas un Pharaon. Et tu n'es pas mieux que Moussa et Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et Haroun, et dites-lui une parole douce. Alors calme-toi. Ça te prouve que ce khalifa, et que les khalifas d'avant, ils avaient de la science aussi. Et ils avaient de la hikma. Parce que Hna, avec Adlim et les nuits, on ne sait plus, Nos khalifs, on les présente des débauchés. Allahu Akbar, Allah. Et parmi eux, il y avait des hommes de science. Et des hommes dont les assises n'étaient que flan et flan parmi les grands hommes de science. Réunis devant lui. Parmi les montagnes de science. Faut pas ouvrir l'oreille n'importe quoi. Na'am ikhwat al-iman. أئمتنا قديما وحديثا كانوا يبذلون النصح لولاة الأمور وليس من العدل والإنصاف وهذا من الظلم والجور ما يفعل هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم بالتشريح والسلق الشديد على كل عالم يدخل على السلطان لأن للعلماء وجهات نظر ولهم من البعد الدقيق والعميق ما قد يخفى على كثير من الناس ما قد يخفى على كثير من شباب الأمة وأبناء هذه الأمة ولذا ينبغي أن نحفظ ألسنتنا وأن لا نطلق لها العنان لتأكل لحوم العلماء أهل السنة والجماعة لأن لحوم العلماء مسمومة وأما المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة والمجروحين الذين جرحوا من قبل أهل العلم فيقال فيهم ما قال أهل العلم ولا كرامة يقال فيهم ما قال أئمة العلم ولا كرامة ولكن لا نعتدي نقول ما قال فيهم أهل العلم قال فيهم أهل العلم كذا وكذا وبدون اعتداء وما كان شي كرامة et ça fait pas partie de l'équité et de la justice ce que font certains libre recours à leur langue à déchirer les savants donc un savant rentre on le voit rentrer dans le palais d'un gouverneur allez vas-y Il a vendu sa religion. Il va donner le verdict pour combien Comme c'est lui, il vend sa religion. Comme Subhanallah, tu es là-bas pour savoir. car les hommes de science, comme les grands imams de notre communauté, hein, ceux qui sont morts et ceux qui restent, ils ont des visions lointaines. Ils connaissent des choses que nous autres jeunes, on ne sait pas. Mais des fois, on voit au bout de notre nez, peut-être on ne le voit même pas. Oui, hein. Loin, très très loin. Et Omar, ils sentent les catastrophes avec le fitel avant qu'ils arrivent. Alors que moi et toi, on sait la catastrophe. Une fois qu'il est passé, on dit la catastrophe est passée par là. Mais trop tard, il est passé. Mais Houa, non. Ah bon. كرمهم الله سبحانه وتعالى بفراسة العلم وبنور العلم الله سبحانه وتعالى اللي زاكمبلي افيك لا سيون il leur a donné une clairvoyance large donc nous n'avons pas le droit de chaque fois que nous voyons un avec un gouverneur hein? Pour combien il fait le fatwa de ceci ou la faute a'udhu billah a'udhu billah. C'est pour ça que nous devons protéger nos langues hein? Et que nous ne devons pas grignoter la chair des savants, car la chair des savants est empoisonnée, comme a dit l'un de nos cuisiniers. Quant aux savants qui ont dévié de la voie des cuisiniers, on rapporte sur eux ce qu'ont dit les imams de la communauté. Et on ne dépasse pas nos limites. On rapporte ce que les imams ont dit sur eux. Hein? Il n'y a rien à craindre. On rapporte ce qu'ont dit les imams sur eux. Ils ont dit voilà, tac, tac. Égaré, tac, tac, ce que tu leur apportes. Voilà, tel a dit, ce savant, disant de la sunna, etc., a dit que celui-là, il faut faire attention, etc., etc. Mais tu ne dépasses pas les paroles d'El Cheikh, d'El Imam. Tu ne dis pas autre chose qu'il n'a pas dite. Il n'a pas le droit. Parce que là, on va dépasser nos limites. Là, ça va. Et surtout, surtout ce danger-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, matin et soir, il rentre au palais, sa voiture passe au palais. Où est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais là-bas pour toi observer juste la voiture à ce savant qui rentre? Hein? Qu'est-ce que tu fais d'abord là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas tout le temps? Hein? Allez, les gars. Où est-ce que tu fais là-bas? Où est-ce que tu fais là-bas? Où est-ce que tu fais là-bas? Je connais que tu fais là-bas. Je connais que tu fais là-bas. Je connais que tu fais là-bas. Je connais que tu fais là-bas. Je connais que tu il n'arrête pas, il ne fait que rentrer, il est comme l'aiguille du cordonnier, il rentre de ce côté là, il sort, il rentre, il sort, subhanallah. Et toi t'as rien à faire que ça, hein? Il faut faire très attention à ces minus qui débitent sur les savants, et il faut faire très attention parce que c'est une glissade, pas glisser, il faut rester sur la terre ferme, rester sur nos pieds, savoir nos places, et on marche. On cherche la voie, Inch'Allah. هذه مكانة إمامنا مالك عند العلماء بل وعند الخلفاء وعند الأمراء رحم الله الجميع الذين كانوا يستضيئون برأيه رحمة الله عليه ويأخذون بمشورته بل إن خليفة من المسلمين وأنت جي شوف خليفة من خلفاء المسلمين أبا جعفر المنصور رحمه الله ذهب إلى مالك يوما وقال له يا مالك إني أعزم أعزم بغيت توكي بغيت على أن آمر بموطئك وأن أرسل بنسخة لكل مصر من الأمصار نصفت الموطأ ديالك نعطيهم الأرض يمشي لكل بلاد نسخة منه وألزم المسلمين به وأن لا يأخذوا إلا بما في الموطأ ويدعوا غيره إلى هذا الحد. أبا جعفر المنصور العباسي وصل إلى هذا الحد أنه يريد إلزام بيلزم على الناس على الزم ما بيلزم عليهم لأنه يعرف سداد الإمام مالك وكبر علم الإمام مالك إلى هذا الحد وصل الخلفاء مع الإمام مالك نعم أنسي إلى أن يدو لأبلاس الإمام مالك président de Sion. Alaykoum salam. Et chez les gouverneurs aussi. Rahimahumullah. Les khalifas de l'époque de l'imam Malik venaient chercher la lumière et s'éclairer des avis de l'imam Malik, rahmatullahi alayh. Eux, ils se déplaçaient pour venir. أين كانت عاصمة بني العباس؟ لا كابيتال دو بني العباس اللي تي هو؟ بغداد ياك؟ إسكو مالك سورتي دو ميدي؟ داكور؟ إل فوني دون لو ريزيدونس أ ميدين إكسيتيرا، إل فوني لا، سي با لوي كي فا بغداد. ها؟ إي أن جور Abba Ja'far est rentré chez l'imam Malik. Il lui a dit à Malik, écoute, j'ai la ferme résolution de faire de ton muwatta, de ton livre, un livre pour toute la communauté de l'islam. De prendre, de faire, d'imprimer, de faire des copies, de les envoyer partout dans les terres de l'islam et que les gens laissent tout ce qu'ils ont et qu'ils prennent que le muwatta et ce qu'il y a dans le muwatta. Ainsi est arrivé la situation de l'imam Malik. C'est l'un des khalifs, sinon deux khalifs ont eu cette position là. Harun Rashid aussi a eu cette position, a fait cette proposition à l'imam Malik. Et wa atadruna ash qala lahum l'imam Malik, raha koun chi wahed daba, wa Malik, ah inchallah. وعني والكتاب ديالي انا بغيت نحكم عليهم كلهم. ها هادشي كله مع الامام مالك ما عنده ما يدير به. انا يعني الامام مالك تيعرف شنو هي السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسمع ماذا قال. قال مالك رحمه الله: يا امير المؤمنين، عندك شوف، يا امير المؤمنين ماشي يا فلان، يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتشروا في الأمصار، وقد سمع الناس منهم أحاديث، وروى الناس عنهم روايات، وقد أخذ كل أناس بما سبق إليهم وعملوا به، ورد الناس عما اعتقدوه أمر صعب، ولذا أرى أن تترك الناس على ما هم عليه. الله أكبر. يعرف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم خرج من المدينة وعنده ثروة من أحاديث ومن أفعال رسول الله ومن تقريرات رسول الله، فذهب بها إلى المكان هذا فنشرها وعلمها الناس. فقال الخليفة: يا من المؤمن، خلي الناس هكذا، راه الناس بقات لهم السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلهم صحابة، وصلوا لهم شي أعمال، واعتقدوا هذوك الأعمال كيديرها وار هذا الشيء هذا، ما يمكنش، اتركهم على ما هم عليه. تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر ليس هكذا، أن العظمة والمقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه، وما خاف من الأمير، ولا قال أطيع الأمير، لا لا قال لا لا، الأمر ماشي هكاك. ها إيوا، هذا بارك الله فيكم اللي يوصل بهذه المرتبة هذه، زعما ما غاديش يقول الحق عند عند عند الأمير؟ لا بالله، إلا يقول الحق وأكثر من الحق. ها الناس كون سافي لا ريبونس ديال الإمام مالك. ها tu t'imagines, Harry, on te propose que ton livre soit propagé, c'est l'empire, hein? Hada, l'empire de la Bassine, comment il était? Ah, il était énorme. Alors, les conquêtes sont arrivées à un degré très élevé. Et Hada Abba Ja'far, il voulait que, hein, le prince des croyants, Khalifa de Moussa, il voulait que le Muwatta soit le seul livre dans tout l'empire abbasside. Et que les gens délaissent tout ce qu'ils ont. Comme sunna du prophète, tout, ils délaissent tout, ils prennent juste le muwatta. J'imagine que là, hein, si on était maintenant avec les poussins de l'école de la raison maintenant, aïe, waouh, waouh, hein, hein, trésor. Maintenant, l'imam Malik, les valeurs sont autres. Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, regarde, ô prince des croyants, il lui a dit pas, Ya Abba Ja'far, là, ô prince des croyants. Les compagnons du prophète alayhi salam se sont propagés partout. Et là où ils sont allés, ils ont propagé ce qu'ils ont appris de la sunna du prophète alayhi salam. Et ils en avaient chacun. Hein, c'était les hommes de science par excellence, les compagnons du prophète alayhi salam. Donc là où ils sont arrivés, ils ont enseigné ce qu'eux savaient comme sunna du prophète alayhi salam, que ce soit au niveau des actes, au niveau des approbations et des paroles du prophète alayhi salam. Et chacun a pris une direction. Et les compagnons se sont propagés à travers le monde musulman. Et il lui a dit, je vois qu'il faut laisser la situation telle qu'elle. Parce que faire revenir les gens des choses qu'ils ont cru qu'ils mettent en application, ceci est difficile. Ça suppose que ceci va créer une grande fitna. Hein? C'est pour ça, je vois que tu les laisses telles. Tu leur imposes pas le mot pas. Tu les laisses telles. Avec la science qui leur est arrivée. Hada. Ça prouve quelque chose. Ça prouve que l'imam Malik, ce qui met en avant devant ses yeux et devant lui, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont les approbations et les dires et les faits du prophète alayhi salatu wassalam. Hada qui a la valeur chez lui. Allahu akbar ya lahu min imam. يا له من تعظيم لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال له أبو جعفر والله لو طاوعتني لأمر الناس بذلك. هذا هو الإمام مالك يريد الخلفاء بل وقيل له ذلك من هارون الرشيد ومن هو هارون الرشيد في الدولة العباسية هو أعظمهم ومن المهدي ثلاث خلفاء بني العباس ويأتي المهوث اليوم يقول لك هاد العباسيين فيهم هاد الأمويين فيهم وانت اللي فيك اللي فيك يكفيك انت اللي فيك هما ما فيهم شيء هما كانت الفتوحات سيامتهم والإسلام وصل لروسيا لهيفتها هما كانوا سيامتهم وانت اش قاعد تدير راه العباسيين فيهم راه كذا وإلا كاع كان فيهم ها كل زبيبة فظهر عود ها والكمال لله سبحانه وتعالى وما يمكنش تكون بحال ها أيامة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل ولا تكون بحال خلافة الراشدون هذا مستحيل ها إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى ذلك وهذا رواه الإمام الطبري رحمة الله عليه هذا الذي القصة التي أتت مع أبو جعفر ومع هارون الرشيد ومع المهدي رحمة الله عليهم هذا في كل غون إمام كل إمام مالك رحمة الله عليه كل بلاس الدم dans son esprit dans son cœur à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Abu Ja'far lui dit, Wallah, si tu as accepté ce que je t'ai proposé, Wallah, j'ordonne. C'est un khalifa. Tu vas le faire même avec eux, hein, à Torah. Hein, je vais leur ordonner qu'ils le fassent. Qu'ils prennent seulement le muwatta. Hein. Ça, c'est l'imam Malik. Les khalifs veulent que son livre soit la seule source pour les gens. Trois khalifs de Banu al-Abbas. Abu Ja'far, Harun al-Rashid ou le Mahdi. Tous lui ont fait cette proposition. Imagine. Maintenant tu entends certains écrits. Banu al-Abbas c'était. C'est toi qui étais. C'est pas eux. À l'époque où la Banu Umayya faisait. Et moi, subhanallah. À l'époque de Banu Umayya, la conquête de l'islam est arrivée là-bas. En Asie. Donc qu'est-ce que tu as donné à l'islam? Banu al-Abbas tatati tatata. Ras, c'est toi qui as dans ta tête tatati tatata, il faut le nettoyer, ce tatati tatata. Ou il faut que tu rentres, tu vas, on te les nettoie. Ben nous l'abbas à leur époque aussi, l'islam est arrivé très loin. Et un royaume parfait n'existe pas. Il n'y a que le royaume d'Allah Azzawajal qui est parfait. Hein? Qu'est-ce qu'on veut de Bani l'Abbas? Qu'est-ce qu'il veut là de Jamal? Qui parle sur Bani l'Abbas et Bani Umayya? Alors, ils veulent le couper d'une partie très importante de l'histoire de notre communauté. Et d'une partie durant laquelle, hein, il y avait des assises dans les murs devant lesquelles se trouvait une brochette de savants et des grands qui donnaient leurs avis dans la situation, qui donnaient leurs avis dans, hein, là, qui étaient là avec. Il y avait des khalifs qui étaient savants. Là, Zana, Abu Ja'far, quand il a fait cette proposition à Malik, là, ça prouve. Abu Ja'far, il avait de la science. Harun Rashid qui transmettait, qui est un des transmetteurs des hadiths de Malik, etc. وهذه بعض توجيهات الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. جاء في الاعتصام عند الشاطبي رحمه الله عن مالك قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستقبل، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله وأصحابه، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل أقوى في الرأي منه فاتبعه، فكلما غلبه رجل اتبعه، أرى أن هذا بعد لم يتم. الله أكبر. واعلموا إخوة الإسلام واعملوا، يقول رحمة الله عليهم، واعملوا من الآثار بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرجا على الحوض، أي إلى يوم القيامة. وهذا في الاعتصام الجزء الثاني. فأنت ترى أن الإمام يحصر الدين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الأمر قد انتهى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالا لأحد يأتي بعده، وأن الكمال في اتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع أصحابه ومن تبعهم بإحسان. فالرأي لا قرار له ولا ميزان له عند الإمام مالك، ها؟ والرأي لا قرار له ولا ميزان له مهما كان قائلا، وإلا لا معنى للنبوة والرسالة. فعلى المسلمين أن يتعلموا ويعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة رضوان الله عليه. Voici certaines orientations que nous a laissé l'héritage de وعليكم السلام ورحمة الله l'héritage de l'imam Malik رحمة الله عليه dans l'Ihtisam au tome 2. Chatib Rahmatullah a dit, Imam Malik a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, Imam Malik a dit le prophète est mort et la situation est terminée, c'est à dire la religion a été parachevée et que la situation est complète. Il faut suivre les preuves, les traces du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Il ne faut pas suivre l'opinion, car celui qui suit l'opinion, un autre homme arrive qui a une opinion plus forte que lui ou une vision plus forte que lui, il va le suivre. Et chaque fois, c'est la même chose qui va se répéter. Et même Malik, il dit, je vois que cette situation ne va pas se terminer. C'est à chaque fois qu'il t'arrive quelqu'un qui a plus d'opinion que toi et qui argumente plus que toi, tu le suis. Après, il arrive un autre qui a plus que vous. Qu'est-ce qu'il va ? Vous allez le suivre, et ainsi de suite. Imam Malik, il dit, cette situation ne va pas se terminer. Alors que la religion est parachevée. Et il dit, mettez en application cet attar, ce hadith qui vous a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Dans la version de Jabir, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai laissé en vous des choses avec lesquelles vous n'allez pas vous égarer après moi. Si vous vous cramponnez à ces deux choses, mon livre et ma sunna, le livre d'Allah et ma sunna, vous n'allez pas vous égarer. Et le livre et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith, ils ne vont pas se séparer, ils sont inséparables jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Ah, tu vois que l'imam Malik arrête la religion où ? Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il voit que la situation est terminée avec la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et que, et que le Rasulullah n'a pas laissé quelque chose. Tout est complet. Il n'a rien laissé à ceux qui sont venus après lui pour compléter. Mais que le parfait, il est dans le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de suivre ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Ça, c'est le parfait. C'est ce qui est complet. C'est ce suivi du prophète, de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. C'est ce qui est complet. Et c'est ce qui est parfait. Et c'est ce qui est demandé. L'opinion n'a pas de place. Et l'opinion, ce n'est pas une balance. Malgré celui qui dit cette opinion, qui émet cette opinion. Sinon, qu'est-ce que veut dire la prophétie ? Si maintenant on prend en considération les opinions et les avis, qu'est-ce que veut dire la prophétie dans ces cas-là ? Donc il nous appartient, nous autres musulmans, d'apprendre notre religion. Et de nous cramponner au livre d'Allah et à la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de l'épuisère d'Allah, alayhi. Avec la compréhension de l'épuisère d'Allah, alayhi. وجاءت السير للإمام الذهبي رحمه الله عن مالك رحمه الله قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا الجزء الثامن من السير للذهبي رحمة الله عليه دائم الكلام الهدى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى شي حاجه باقي دوسير سير اعلام النبلاء الذهبي رحمه الله عليه التوم 8 ديك مالك رحمه الله اديك البروفيت عليه الصلاه والسلام الى في دي سنن لا في اي ceux qui sont venus après lui les khalifs bien guidé, et ses compagnons ont fait du sunan aussi. Le fait de prendre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et la sunna des khalifs bien guidés et de ses compagnons, c'est le fait de suivre le livre d'Allah azza wa jal. Et c'est le fait de faire, d'agir ainsi, c'est compléter son obéissance à Allah azza wa jal. Et c'est une force dans la religion de la personne. Ça prouve la force de la religion de cette personne. Et à personne de la changer. Personne n'a le droit de la changer. Et personne n'a le droit d'aller voir ailleurs que l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons d'Allah alayhi. Celui qui est en divergence avec, il ne faut pas être en divergence avec, celui qui se guide avec, c'est lui qui est guidé. Et celui qui cherche la force et le triomphe dans cette voie-là, il sera. Le triomphe sera pour lui. Et il triomphera. celui qui les délaisse, il a choisi un autre chemin que le chemin des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché l'alliance, et sa demeure sera l'enfer. Qaïda, c'est une règle qu'il vient de nous citer, Imam Malik, rahmatullah alayhi. Les paroles de nos imams, tu prends les règles dedans. فهذه قاعدة يقاعدها لنا الإمام مالك وهي قاعدة عظيمة وجليلة في الدين وفي المنهج الذي يجب أن نكون عليه. من تمسك بها نجا ومن انحرف عنها هلك. الدين كمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه بعده أحيوها وثبتوها في قلوب المسلمين وأقام خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته معالمها عقيدة وعبادة وتجارة وأخلاقا ومعاملات ومحقوا البدع والمبتدعة وما تركوا أحدا يرفع رأسا إلا بسنة وكتاب وما تركوا أحدا يرفع رأسا إلا بكتاب وسنة. C'est une règle. Rien de nous donner. Cette parole de l'imam Malik rahmatullah alayhi. C'est une énorme règle dans cette religion. Et c'est une énorme règle qui nous montre la voie sur laquelle nous devons être dans la religion de l'Allah. Celui qui se cramponne à cette règle, sauvé. Celui qui dit vie, khatar, danger. La religion est terminée avec la sunna du prophète alayhi salam. Et après le prophète alayhi salam, les khalifs ont ancré la sunna du prophète alayhi salam. Ils l'ont confirmé. Ils l'ont ancré dans le cœur des croyants. Et le khulafa après le prophète alayhi salam ont accompli, ainsi que les compagnons du prophète alayhi salam, cette sunna dans leur vie, au niveau de leurs croyances, au niveau de leur commerce, au niveau de leur façon de faire avec leurs frères, avec leurs femmes, etc. Ils ont anéanti l'innovation et les innovateurs. Personne chez eux ne levait la tête avec autre chose que la sunna. فماذا يستدرك المتأخرون وما عساهم أن يفعلوا ألم يبين أولئك المنهاج واستكملوا الطريق وعبدوها حتى صارت سهلة فالاستدراك عليهم وقاها والبدعة ضلال وانحراف وغرور وظلم فهدي النبي والسلف الصالح هو الهدي الذي يجب اتباعه ومن ابتغى غيره فكما قال إمام دار الهجرة طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهل كان الإمام مالك متطرفا أو متشددا بالله عليكم أم كان ناصحا مشفقا للأمة؟ هذا كان متجدد لك الأمة. والله ما كان إلا ناصحا للأمة عندما أمر الأمة أن لا تخرج عن سنة رسول الله وعن كتاب الله وأن نهج سلف هذه الأمة أن نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كان إلا مشفقا عليهم يدلهم على الطريق الذي به يحظون برضوان الله سبحانه وتعالى وبكرم الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'ils vont dire les derniers maintenant? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ceux qui sont passés, les compagnons du prophète alayhi salam, et à leur tête, wa alaykum salam, les khalifs bien guidés, ils n'ont pas montré la voie? Ils n'ont pas éclairé la voie? Est-ce que la voie n'a pas été terminée? Il n'a pas été asphalté comme il faut? Il n'a pas été goudronné comme il faut? Et qu'il reste tout simplement à marcher dessus? Donc le fait de rattraper quelque chose sur eux, sur les compagnons du prophète alayhi salam, c'est être insensé. C'est être insensé. Et l'égarement, et l'innovation est un égarement. Et c'est une déviation. Et c'est le fait de se faire, d'être imbu de soi et de son opinion. Et c'est une injustice Car la visée du prophète alayhi salatu wassalam et du puiseur d'Allah alayhi, c'est la visée qui est obligatoire. Il est obligatoire à tout un chacun de la suivre. C'est celle-là. Et celui qui cherche autre chose que ce chemin-là, ben il va avoir, c'est-à-dire l'imam Malik rahmatullah alayhi, et il le prend directement d'un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse habiter les grandes sphères du paradis, et nous à côté de lui. Ça, il a dit, celui qui la délaisse, il a suivi un autre chemin que le chemin des croyants. Et les croyants ici, c'est qui? Comme disent les hommes de science, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et alors, peut-être les khalifs bien guidés, bien sûr. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera l'alliance avec ceux avec qui il a cherché l'alliance, et sa demeure sera l'enfer. Est-ce que maintenant on va dire que l'imam Malik était un extrémiste, ou il était dur dans la religion? Ou là alors c'était un conseiller qui avait pitié pour la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Par Allah, il avait de la pitié pour la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il voulait leur bien, en leur montrant le chemin, en les conseillant à prendre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam et des puiseurs d'Allah alayhi. وجاء في السير في الجزء الثاني أن مالكا قال أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله وجاء عنه أنه كان يقول إذا جاء بعض أهل الأهواء أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاطنه. إذا جاء عنده شو وقت لا القضية عقا يعني كون شان هل يجي شي واحد عقاك ونتبعوه أشكو كلامه صحيح وغلق لنا عليك لا لا إلا بقيت عقاك هل يجي واحد أخر كبر تبرنا يعني يلقوت ما جاء شي واحد يخلق عنا نخليه ذاك الشيء اللي نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام ونتبعه هذاك الرجل هذا قال جماعة ولكن وقت ما جاء شي واحد من أصحاب تابعين إلا هو ديالهم أشي يقول له الإمام مالك يقول له سير بحال أنا الدين ديالي باين لي أنا ما عندي الشك سيدي واحد مش كاتب حال سير تبعه وما نعطيني ابتساع أنا على بينة في ديني وفي المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أعطني سير لك جي جا ديك الجربة ديالك لديك الجي مرض بها شي واحد اخر عادي بها شي واحد اخر ما تجي تجربني انا سير دوسيير والتمويت مالك رحمة الله عليه دي كنت نوز اغيز كلكا كي هاد لا كونتروفيرس لا كونجونكتور هادي با فيان بور امبوزي سون اوبينيون اكسيتيرا تا تا تا تا يا الجدال يا دي اسكو شاك فوا كي يا كلكا كي يا الجدال كوم سا كي فور دون الجدال اون فا ليسي ce qui a été descendu à Mohammed alayhi salatu wassalam par Jibril. Et il a dit aussi, il disait aussi, quand quelqu'un parmi ceux de les gens de passion, etc., ceux qui suivent leur raison, moi je suis dans une clairvoyance dans ma religion, allez voir quelqu'un qui doute comme vous. Allez voir quelqu'un qui doute comme vous et controverser avec. Moi, je suis sur une clarté dans ma religion. Et j'ai l'incertitude. Avec la gaffe d'Yazkoum, allez contaminer quelqu'un d'autre que moi. Amenez-la ailleurs. Ne donne même pas là. Moi, je n'ai pas de doute. Va chez quelqu'un qui doute comme toi. فرحمه الله على امامنا مالك لقد اشرب النصوص في قلبه واشرب حبها واصبحت نوره الذي يستضيء به ويفض كل ما سواها ويعتبر اصحاب الخصومات شاكين في دينهم ليس عندهم الا الظن والتخمين رحمه الله عليه رحمه واسعه هذا هو الامام مالك الله سبحانه وتعالى استثنى بجوكوب امام مالك رحمه الله الى اتي abreuvé, imbibé du texte, la parole d'Allah, la sunna du prophète, le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont dans son cœur, ils sont dans son sang. Une lumière pour lui, avec laquelle il s'éclaire. Et il refuse tout ce qui est en dehors du livre d'Allah et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il considère les gens qui controversent et qui font le jidal dans la religion comme des gens qui doutent. Et qu'ils n'ont que des suppositions. فترك النصوص عند أبا عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه أمر خطير يلزم منه التنقل في دين الله في كل لحظة. فالرجال الذين لا عناية لهم بالنصوص لا ينبغي أن نأبى بهم ولا أن نقيم لهم وزنا مهما بلغت عقليتهم ومهما بلغ مستواهم الثقافي والاجتماعي ومهما بلغ ذكاؤهم فقد يؤتى العلم ذكاء فقد يؤتى الإنسان ذكاء ولا يؤتى زكاة. Le fait de délaisser le texte chez Abu Abdillah Malik ibn Anas rahmatullah alayh est une situation dangereuse qui implique qu'on va sauter dans notre religion, on va changer d'une voie à une autre, on va changer les voies. Et regarde, par Allah, combien de frères ils étaient dans le Tabligh. Et comme ils n'ont pas cherché le réel chemin, ils se sont retrouvés chez Ikhwan. Après maintenant, ils sont chez Tkfir. Après maintenant, ils sont chez Sophia. Après comment? Pourquoi? Parce qu'il est loin du texte. Moi je connais des exemples comme ça. Un nom là, il se tourne. Je n'ai pas compté ce que ça va s'arrêter. Claire, subhanahu wa ta'ala, les guides. Et les hommes, il n'y a aucune considération qui ne donne pas l'importance au texte. Il ne faut pas prendre en considération ce qu'ils disent. Il ne faut pas qu'on leur donne de l'importance. Malgré la situation qu'ils puissent avoir, malgré le degré d'intelligence qu'ils ont, et malgré la situation intellectuelle, la sociale, leur QI, malgré la mesure qu'ils ont de leur QI, ce qui est des fois, comme disent nos plus aïeuls, les gens ont zaka, ils n'ont pas zaka. Ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas ce qu'il faut avec la science de la législation qui fait cette pureté. Cette tazkiyat yal'il bi kitabillah wa bi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ala najis la fi hadhihi al-umma wal faqr wal furqat huwa al-ishtighal bi aqwal ar-rijal wal khusumat allati la tantahi. Tazkiya vient du livre d'Allah Azza wa Jal. C'est la science qui émane du livre d'Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension et selon et sur la voie de nos plus aïeux. Et la pauvreté ainsi que la division. C'est pas toi? Ainsi que la division, c'est le fait de s'occuper avec les paroles des gens et se chamailler, le chamaillage qui ne se termine pas, etc. Fait de s'entendre. Ils ont dit, il a dit, etc. Il est des hommes de science qui sont revenus à la fin de leur vie. Ils disent, nous voilà mourir sur notre matelas qu'on meurt la vieille de Neysadouf. C'est-à-dire que cette vieille qui est restée sur sa nature, il n'y eut que à leurs yeux, parce qu'il est resté sur le fitra. Et alors il disait, nous avons plongé au fin fond des paroles et nous avons hérité de ces sciences de la parole, c'est-à-dire la philosophie, etc., la logique, et nous avons plongé au fin fond et nous avons hérité de tout cela. Ils ont dit, voilà ce que nous avons hérité. فهم الأئمة رحمة الله عليهم يرجعوا للطريق المستقيم رحمه الله. الله سبحانه وتعالى يهدي ظل المسلمين. قال لك هاني في خر حياتي تنموت هذا الموتى ديال العجايز ديال نيسابور. اشنا هي معنى ديال ان هذيك العجوزه اللي ما تمسكينها كانت على الفطره، ما دخلت عليها فلسفه، ما دخل عليها منطق، كانت تقول اين الله، الله في السماء، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى، مهنيه. فقال لك هذه احنا دوك تنموتوا بحال هذيك الموتى ديال هذيك. ها وقال هذا السنين اللي مضينا حياتنا، مضينا احنا تنغوصوا في علم المنطق والكلام، وقالوا قلنا قال لك ما ورثنا حتى شي حاجه الا قالوا وقلنا وقيل وقالوا. هذا الشيء اللي بقى في الجعده، الارث كله هو هذا اخوان خاوي البرد لا كاين شيء. فمعرفه النصوص والعنايه بها وفهموها على فهم سلف هذه الأمة جمع لكلمة المسلمين على منهاج معصوم، المنهاج معصوم، منهاج واحد مهما بعدت أقطارهم ومنازلهم. ورحم الله من قال نحن جماعة أفهام لا جماعة أبدان. من سلف هذه الأمة من قال نحن جماعة أفهام، أي فهمنا واحد، فهم صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، ولسنا بجماعة أبدان. ماشي الكثرة هي ولا يتجمعوا بزاف والله، لا، منهج طريق المعصوم اللي عصمه الله سبحانه وتعالى، طريق معصوم. وذاك اللي تيقول أنا غادي في الطريق راه هو بشر، راه يخطئ ويصيب، تيخرج منه الغلط لأنه هو غير بشر، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وإلا فالطريق هو عصمه الله سبحانه وتعالى. C'est de connaître les textes, de s'occuper, de connaître les textes, de les comprendre à la lumière et à la compréhension, comme l'ont compris nos puiseurs d'Allah alayhim. Ça, c'est ce qu'il va faire. Il fait la réunion de la communauté, de la parole de la communauté. Il va faire que la communauté sera unie dans sa parole et dans tout ce qu'il fait. Il va être unie sur une seule voie. Une voie qui est épargnée de l'erreur. La voie, elle, il est épargné. Le minhaj, lui, il est épargné de l'erreur. Ceux qui suivent le minhaj, ce sont des êtres humains. Ils tombent dans l'erreur, ils voient juste, etc. Mais ce sont des humains. Et tout être humain tombe dans l'erreur. Et les meilleurs de ceux qui tombent dessus, ce sont ceux qui reviennent de leur erreur et qui se repentent. Point final. Mais attention, la voie, elle est épargnée de l'erreur. Parce que c'est la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour tous les messagers alayhi wa sallatu wa sallam. Et comme dit notre cher Cheikh Aubayd Hafidahullah, had la voix, c'est la voix ouverte par Adam alayhi wa sallatu wa sallam. Li wahin min Allah. Wa tabi'a alayhi anbiya'ullahi kulluhum. Ila Muhammadin alayhi wa sallatu wa sallam. Wa lidallah subhanahu wa ta'ala farada alayna. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق المنعم عليهم يزداد الأنبياء كلهم، وبعدهم صديقين، وعلى رأسهم صديق الأخبر، صديق هذه الأمة أبو بكر، وبعدهم الشهداء، وبعدهم وعلى رأسهم صحابة رسول الله، وبعدهم الصالحين، وعلى رأس الصالحين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك سيت فوا كي لا فوا كومونسي باغ آدم عليه الصلاة والسلام كي نوفيان ديريكتومون من الله عز وجل إلي باغني بلاغها. ولي لا بروف كنت الشيخ عبيد الجيساس لا فوا لي با كومونسي باغ محمد كي كومونس ديجا آدم عليه الصلاة والسلام. La preuve, il est dans Sourate Al-Fatiha. La demande que nous demandons chaque jour. Guide-nous. Wallah, guide-nous sur la voie droite, sur la rectitude, sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de ces bienfaits. Mais qui sont ceux que tu as comblé de. Que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ces bienfaits. Dans notre verset dans Sourate Nisa. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ces bienfaits parmi les prophètes. La voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala commence par les prophètes. Les véridiques. Il y a la tête des véridiques, il y a qui? Il y a le véridique de cette communauté. Après le message d'Alim Satouni, il y a le véridique de cette communauté qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et qui est encore entre dedans dans cette voie que Allah a comblé de ses bienfaits? les martyrs. Et à la tête des martyrs, il y a qui? Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et qui encore? Il y a salihin, les vertus. Et à la tête de ces vertus, il y a qui? Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi de suite. Ça, c'est la voie. Hein? Donc la voie, elle, elle est épargnée de l'erreur. Mais ceux qui suivent la voie, hein, qui veulent suivre cette voie, ce sont des humains. Hein? Ils font des erreurs comme tout autre être humain. Hein? Il faut faire la différence, parce que des fois, les gens ne font pas la différence entre Adam et Adam. Il y en a un autre qui dit le fard. المنهج المنهج ديال السلف رضوان الله عليهم معصوم من الخطا وهاد الناس اللي تيتبعوا المنهج ديال السلف هما بشر فما نخلطوا نقولوا هذا ونضربوا ونطعنوا في المنهج ديال رسول الله عليه وسلم لا هذا انسان اخطا ف غون ديفيرونس اونتر سا اونتر لا فوا اي لي جون كي سون دون لا فوا كي سويف سي فوا هذا سي دي زومان توم دون ليغا لا فوا ان اي لي بارني دو ليغا اما الاشتغال اي Allah subhanahu wa ta'ala et ce 60 miséricorde, celui qui est dit parmi nos plusieurs doigts Allah alayhi, nous sommes un groupe de compréhension et non une masse réunie, et non une masse noire. Hein? Nous sommes un groupement de compréhension. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Qui ça veut dire? Ça veut dire que la compréhension, c'est la compréhension du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? La compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est elle qui est réunie. C'est elle l'union. Et c'est elle qui met sur la voie unique. Et ce qui est demandé, c'est pas la masse, c'est pas la réunion de la masse. La masse, si elle n'est pas sur cette voie, ce n'est pas une réunion, c'est une désunion. Et tu vois les avis partent dans tous les sens. Hein? C'est pour ça que cette parole de Nabi Zahir, نَحْنِ جَمَعَةُ أَفْهَامُ وَلَسْنَ بِجَمَعَةِ أَبْدَانِ. Il y a des hommes qui ne sont même pas connus. À une certaine époque, il n'y a pas de moyen de transmission. Comme tu l'as maintenant, etc. Il n'y a pas de manuscrit ni rien qui est écrit. Et pourtant, la voix et les compréhensions qui ont de la parole de la Zawajal, il est identique à des gens qui ne les ont pas vus depuis 7 siècles. Et qui n'ont pas, ils n'ont pas vécu à la même époque, ni au même endroit. Et ils n'ont pas pu regarder dans leurs livres. Et ils ont la même compréhension. Oui, il est là. L'hikmah dans tout ça. C'est justement parce que Hadouk et ceux-là, ils avaient la même compréhension, ils suivaient le même chemin dans la compréhension qui est la compréhension de nos plusieurs d'Allah. Voilà, Hada, Unas, Beina Humo Beina Unas, Sbat Khurum. Uma kant la kitaba, wala tfir, wala kada, wala tjir, wala muwasarat, wala. وهذاك ما يتمكن باش يقرا الكتب اللي كتب هذاك ولا داكشي اللي خلاه هذا والاخر كذلك وتتلقى الفهم ديالهم كيف والكلام اللي قالوا غادي بحال اللي خرج من عين وحده علاش لانه كانوا في التفصيل ديالهم وفي التعليم ديالهم كانوا على طريق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفهم ديالهم فهم الصحابه وكانت العقيده ديالتهم ديال صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي جعلهم اقوياء وجعل فهمهم واحد وجعل كلمتهم واحدة فنسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم منهم ومن المتبعين لأثرهم بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا